Section 20 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Troisième partie, livre 6e. Bonaparte à la Malmaison. Abandon général. Départ de la Malmaison. Rambouillet. Rochefort. Bonaparte se réfugie sur la flotte anglaise. Il écrit au prince régent. Bonaparte sur le Belléforon, Torbay, acte qui confine Bonaparte à Sainte-Hélène. Il passe sur le Northumberland et fait voile. Jugement sur Bonaparte. Caractère de Bonaparte. Si Bonaparte nous a laissé en renommée ce qu'il nous a ôté en force. Inutilité des vérités ci-dessus exposées. Île de Sainte-Hélène. Bonaparte traverse l'Atlantique. Napoléon prend terre à Sainte-Hélène. Son établissement à Longwood. Précaution. Vie à Longwood. Visite. Manzoni. Maladie de Bonaparte. Ossian. Rêverie de Napoléon à la vue de la mer. Projet d'enlèvement. Dernière occupation de Bonaparte. Il se couche et ne se relève plus. Il dicte son testament. Sentiment religieux de Napoléon. L'aumônier Vignal. Napoléon apostrophe Antomarchi, son médecin. Il reçoit les derniers sacrements. Il expire. Funérailles. Destruction du monde napoléonien. Mes derniers rapports avec Bonaparte. Sainte-Hélène depuis la mort de Napoléon. Exhumation de Bonaparte. Ma visite à Cannes. Si un homme était soudain transporté des scènes les plus bruyantes de la vie aux rivages silencieux de l'océan glacé, il éprouverait ce que j'éprouve auprès du tombeau de Napoléon, car nous voici tout à coup au bord de ce tombeau. Sorti de Paris le 25 juin, Napoléon attendait à la Malmaison l'instant de son départ de France. Je retourne à lui, revenant sur les jours écoulés, anticipant sur les temps futurs, je ne le quitterai plus qu'après sa mort. La Malmaison où l'empereur se reposa était vide. Joséphine était morte. Note. L'impératrice Joséphine était morte au château de la Malmaison, Seine-et-Oise, le 29 mai 1814. Fin de note. Bonaparte, dans cette retraite, se trouvait seul. Là, il avait commencé sa fortune. Là, il avait été heureux. Là, il s'était enivré de l'encens du monde. Là, du sein de son tombeau, partaient les ordres qui troublaient la terre. Dans ces jardins où naguère les pieds de la foule râtelaient les allées sablées, l'herbe et les ronces verdissaient. Je m'en étais assuré en m'y promenant. Déjà, faute de soin, dépérissaient les arbres étrangers. Sur les canaux ne voguaient plus les cygnes noirs de l'Océanie. La cage n'emprisonnait plus les oiseaux du tropique. Ils s'étaient envolés pour aller attendre leur hôte dans leur patrie. Bonaparte aurait pu cependant trouver un sujet de consolation en tournant les yeux vers ses premiers jours. Les rois tombés s'affligent surtout parce qu'ils n'aperçoivent en amont de leur chute qu'une splendeur héréditaire et les pompes de leur berceau. Mais que découvrait Napoléon antérieurement à ses prospérités? La crèche de sa naissance dans un village de Corse. Plus magnanime, en jetant le manteau de pourpre, il aurait repris avec orgueil le sayon du chevrier. Mais les hommes ne se replacent point à leur origine quand elle fut humble. Il semble que l'injuste ciel les prive de leur patrimoine lorsqu'à la loterie du sort, ils ne font que perdre ce qu'ils avaient gagné. Et néanmoins, la grandeur de Napoléon vient de ce qu'il était parti de lui-même. Rien de son sang ne l'avait précédé et n'avait préparé sa puissance. À l'aspect de ces jardins abandonnés, de ces chambres déshabitées, de ces galeries fanées par les fêtes, de ces salles où les chants et la musique avaient cessé, Napoléon pouvait repasser sur sa carrière. Il se pouvait demander si, avec un peu plus de modération, il n'aurait pas conservé ses félicités. Des étrangers, des ennemis ne le bannissaient pas maintenant. Il ne s'en allait pas quasi vainqueur, laissant les nations dans l'admiration de son passage après la prodigieuse campagne de 1814. Il se retirait battu. Des Français, des amis, exigeaient son abdication immédiate, pressaient son départ, ne le voulaient plus même pour général, lui dépêchaient courrier sur courrier pour l'obliger à quitter le sol sur lequel il avait versé autant de gloire que de fléaux. À cette leçon si dure se joignaient d'autres avertissements. Les Prussiens rôdaient dans le voisinage de la Malmaison. Blücher, aviné, ordonnait en trébuchant de saisir, de pendre le conquérant qui avait mis le pied sur le cou des rois. La rapidité des fortunes, la vulgarité des mœurs, la promptitude de l'élévation et de l'abaissement des personnages modernes ôtera, je le crains, à notre temps, une partie de la noblesse de l'histoire. Rome et la Grèce n'ont point parlé de pendre Alexandre et César. Les scènes qui avaient lieu en 1814 se renouvelèrent en 1815, mais avec quelque chose de plus choquant, parce que les ingrats étaient stimulés par la peur. Il se fallait débarrasser de Napoléon vite. Les alliés arrivaient. Alexandre n'était pas là au premier moment pour tempérer le triomphe et contenir l'insolence de la fortune. Paris avait cessé d'être orné de sa lustrale inviolabilité. Une première invasion avait souillé le sanctuaire. Ce n'était plus la colère de Dieu qui tombait sur nous. C'était le mépris du ciel. Le foudre s'était éteint. Toutes les lâchetés avaient acquis par les 100 jours un nouveau degré de malignité. Affectant de s'élever par amour de la patrie au-dessus des attachements personnels, elle s'écriait que Bonaparte était aussi trop criminel d'avoir violé les traités de 1814. Mais les vrais coupables n'étaient-ils pas ceux qui favorisèrent ses desseins? Si en 1815, au lieu de lui refaire des armées, après l'avoir délaissé une première fois pour le délaisser encore, il lui avait dit, lorsqu'il vint coucher aux Tuileries, « Votre génie vous a trompé. L'opinion n'est plus à vous, prenez pitié de la France. Retirez-vous après cette dernière visite à la terre. Allez vivre dans la patrie de Washington. Qui sait si les Bourbons ne commettront point de faute? Qui sait si un jour la France ne tournera pas les yeux vers vous, lorsque, à l'école de la liberté, vous aurez appris le respect des lois? Vous reviendrez alors, non en ravisseur qui fond sur sa proie, mais en grand citoyen pacificateur de son pays. » Ils ne lui tinrent point ce langage. Ils se prêtèrent aux passions de leurs chefs revenus. Ils contribuèrent à l'aveugler, sûrs qu'ils étaient de profiter de sa victoire ou de sa défaite. Le soldat seul mourut pour Napoléon avec une sincérité admirable. Le reste ne fut qu'un troupeau paissant, s'engraissant à droite et à gauche. Encore si les vizirs du calife dépouillés s'étaient contentés de lui tourner le dos. Mais non! Ils profitaient de ses derniers instants, ils l'accablaient de leurs sordides demandes, tous voulaient tirer de l'argent de sa pauvreté. Oh, que ne fut plus complet abandon. Bonaparte y avait donné lieu. Insensible aux peines d'autrui, le monde lui rendit indifférence pour indifférence. Ainsi que la plupart des despotes, il était bien avec sa domesticité. Au fond, il ne tenait à rien. Homme solitaire, il se suffisait. Le malheur ne fit que le rendre au désert de sa vie. Quand je recueille mes souvenirs, quand je me rappelle avoir vu Washington dans sa petite maison de Philadelphie et Bonaparte dans ses palais, il me semble que Washington, retiré dans son champ de la Virginie, ne devait pas éprouver les saints des rêves de Bonaparte attendant l'exil dans ses jardins de la Malmaison. Rien n'était changé dans la vie du premier. Il retombait sur ses habitudes modestes. Il ne s'était point élevé au-dessus de la félicité des laboureurs qu'il avait affranchis. Tout était bouleversé dans la vie du second. Napoléon quitta la Malmaison, le 29 juin, accompagné des généraux Bertrand, Rovigo et Becker, ce dernier en qualité de surveillant ou de commissaire. Chemin faisant, il lui prit envie de s'arrêter à Rambouillet. Il en partit pour s'embarquer à Rochefort, comme Charles X pour s'embarquer à Cherbourg. Rambouillet, retraite inglorieuse, où s'éclipsa ce qu'il y eut de plus grand en race et en homme, lieu fatal où mourut François Ier, où Henri III, échappé des barricades, coucha tout beauté en passant, où Louis XVI a laissé son ombre, heureux Louis, Napoléon et Charles, s'ils n'eussent été que les obscurs gardiens des troupeaux de Rambouillet. Arrivé à Rochefort, Napoléon hésitait. La commission exécutive envoyait des ordres impératifs. Les garnisons de Rochefort et de La Rochelle doivent, disaient les dépêches, prêter main forte pour faire embarquer Napoléon. Employez la force, faites-le partir, ses services ne peuvent être acceptés. Les services de Napoléon ne pouvaient être acceptés, et n'aviez-vous pas accepté ses bienfaits et ses chaînes ? Napoléon ne s'en allait point, il était chassé. Et par qui ? Bonaparte n'avait cru qu'à la fortune. Il n'accordait au malheur ni le feu ni l'eau. Il avait d'avance innocenté les ingrats. Un juste talion le faisait comparaître devant son système. Quand le succès cessant d'animer sa personne s'incarna dans un autre individu, les disciples abandonnèrent le maître pour l'école. Moi qui crois à la légitimité des bienfaits et à la souveraineté du malheur, si j'avais servi Bonaparte, je ne l'aurais pas quitté. Je lui aurais prouvé par ma fidélité la fausseté de ses principes politiques. En partageant ses disgrâces, je serais resté auprès de lui comme un démenti vivant de ses stériles doctrines et du peu de valeur du droit de la prospérité. Depuis le 1er juillet, des frégates l'attendaient dans la rade de Rochefort. Des espérances qui ne meurent jamais, des souvenirs inséparables d'un dernier adieu l'arrêtèrent. Qu'il devait regretter les jours de son enfance, alors que ses yeux sereins n'avaient point encore vu tomber la première pluie. Il laissa le temps à la flotte anglaise d'approcher. Il pouvait encore s'embarquer sur de l'Ougre, qui devait joindre en mer un navire danois. C'est le parti que prit son frère Joseph. Mais la résolution lui faillit en regardant le rivage de France. Il avait aversion d'une république. L'égalité et la liberté des États-Unis lui répugnaient. Il penchait à demander un asile aux Anglais. « Quel inconvénient trouvez-vous à ce parti ? » disait-il à ceux qu'il consultait. « L'inconvénient de vous déshonorer, » lui répondit un officier de marine. « Vous ne devez pas même tomber mort entre les mains des Anglais. Ils vous feront empailler pour vous montrer un shilling par tête. » Malgré ces observations, l'empereur résolut de se livrer à ses vainqueurs. Le 13 juillet, Louis XVIII étant déjà à Paris depuis 5 jours, Napoléon envoya au capitaine du vaisseau anglais, le Bellérophon, cette lettre pour le prince régent. « Altesse royale, en butte aux factions qui divisent mon pays et à l'inimitié des plus grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma carrière politique et je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me mets sous la protection de ces lois que je réclame de votre Altesse royale comme du plus puissant, du plus constant et du plus généreux de mes ennemis. Rochefort, 13 juillet 1815. Si Bonaparte n'avait pendant 20 ans accablé d'outrage le peuple anglais, son gouvernement, son roi et l'héritier de ce roi, on aurait pu trouver quelque convenance de ton dans cette lettre. Mais comment cette Altesse royale, tant méprisée, tant insultée par Napoléon, est-elle devenue tout à coup le plus puissant, le plus constant, le plus généreux des ennemis ? Par la seule raison qu'elle est victorieuse. Il ne pouvait pas être persuadé de ce qu'il disait. Or, ce qui n'est pas vrai n'est pas éloquent. La phrase exposant le fait d'une grandeur tombée qui s'adresse à un ennemi est belle. L'exemple banal de Thémistocle est de trop. Il y a quelque chose de pire qu'un défaut de sincérité dans la démarche de Bonaparte. Il y a oubli de la France. L'empereur ne s'occupa que de sa catastrophe individuelle. La chute arrivée, nous ne comptâmes plus pour rien à ses yeux. Sans penser qu'en donnant la préférence à l'Angleterre sur l'Amérique, son choix devenait un outrage au deuil de la patrie. Il sollicita un asile du gouvernement qui depuis 20 ans soudoyait l'Europe contre nous, de ce gouvernement dont le commissaire à l'armée russe, le général Wilson, pressait Kutuzov dans la retraite de Moscou d'achever de nous exterminer. Les Anglais, heureux à la bataille finale, campaient dans le bois de Boulogne. Allez donc, ô Thémistocle, vous asseoir tranquillement au foyer britannique, tandis que la terre n'a pas encore achevé de boire le sang français versé pour vous à Waterloo. Quel rôle le fugitif fêtait peut-être eût-il joué au bord de la Tamise, en face de la France envahie, de Wellington devenu dictateur au Louvre ? La haute fortune de Napoléon le servit mieux. Les Anglais, se laissant emporter à une politique étroite et rancunière, manquèrent leur dernier triomphe. Au lieu de perdre leur suppliant en l'admettant à leur Bastille ou à leur festin, ils lui rendirent plus brillante pour la postérité la couronne qu'ils croyaient lui avoir ravie. Il s'accrut dans sa captivité de l'énorme frayeur des puissances. En vain l'océan l'enchaînait, l'Europe armée campait au rivage, les yeux attachés sur la mer. Le 15 juillet, l'épervier transporta Bonaparte au Bellérophon. L'embarcation française était si petite que du bord du vaisseau anglais on n'apercevait pas le géant sur les vagues. L'empereur, en abordant le capitaine Maitland, lui dit « Je viens me mettre sous la protection des lois de l'Angleterre ». Une fois du moins le contempteur des lois en confessait l'autorité. La flotte fit voile pour Torbay. Une foule de barques se croisait autour du Bellérophon. Même empressement à Plymouth, le 30 juillet, Lord Keith délivra aux requérants l'acte qui le confinait à Sainte-Hélène. « C'est pis que la cage de Tamerlan, » dit Napoléon. Cette violation du droit des gens et du respect de l'hospitalité était révoltante. Si vous recevez le jour dans un navire quelconque, pourvu qu'il soit sous voile, vous êtes anglais de naissance. En vertu des vieilles coutumes de Londres, les flots sont réputés terre d'Albion, et un navire anglais n'était point pour un suppliant un hôtel inviolable. Il ne plaçait point le grand homme qui embrassait la poupe du Bellérophon sous la protection du trident britannique. Bonaparte protesta. Il argumenta de loi, parla de trahison et de perfidie, en appela à l'avenir. Cela lui allait-il bien? Ne s'était-il pas ri de la justice? N'avait-il pas dans sa force foulé aux pieds les choses saintes dont il invoquait la garantie? N'avait-il pas enlevé Toussaint Louverture et le roi d'Espagne? N'avait-il pas fait arrêter et détenir prisonniers pendant des années les voyageurs anglais qui se trouvaient en France au moment de la rupture du traité d'Amiens? Permis donc à la marchande d'Angleterre d'imiter ce qu'il avait fait lui-même et d'user d'ignobles représailles. Mais on pouvait agir autrement. Chez Napoléon, la grandeur du cœur ne répondait pas à la largeur de la tête. Ses querelles avec les Anglais sont déplorables. Elles révoltent Lord Byron. Comment daigna-t-il honorer d'un mot ses geôliers? On souffre de le voir s'abaisser à des conflits de paroles avec Lord Keith à Torbay, avec Sir Hudson Lowe à Sainte-Hélène, publié de factum parce qu'on lui manque de foi, chicané sur un titre, sur un peu plus, sur un peu moins d'or ou d'honneur. Bonaparte, réduit à lui-même, était réduit à sa gloire, et cela lui devait suffire. Il n'avait rien à demander aux hommes. Il ne traitait pas assez despotiquement l'adversité. On lui aurait pardonné d'avoir fait du malheur son dernier esclave. Je ne trouve de remarquable dans sa protestation contre la violation de l'hospitalité que la date et la signature de cette protestation. À bord du Bellérophon, à la mer, Napoléon. Ce sont là des harmonies d'immensité. Du Bellérophon, Bonaparte passa sur le Northumberland. Deux frégates chargées de la garnison future de Sainte-Hélène l'escortaient. Quelques officiers de cette garnison avaient combattu à Waterloo. On permit à cet explorateur du globe de garder auprès de lui M. et Mme Bertrand, messieurs de Montholon, Gourgaud et de Las Cases, volontaires et généreux passagers sur la planche submergée. Par un article des instructions du capitaine, Bonaparte devait être désarmé. Napoléon seul, prisonnier dans un vaisseau au milieu de l'océan, désarmé. Quelle magnifique terreur de sa puissance! Mais quelle leçon du ciel donnée aux hommes qui abusent du glaive! La stupide amirauté traitait en sentencier de Botany Bay le grand convict de la race humaine. Le prince noir fit-il désarmer le roi Jean? L'escadre leva l'ancre. Depuis la barque qui porta César, aucun vaisseau ne fut chargé d'une pareille destinée. Bonaparte se rapprochait de cette mer des miracles où l'arabe du Sinaï l'avait vu passer. La dernière terre de France que découvrit Napoléon fut le cap Laog, autre trophée des Anglais. L'empereur s'était trompé dans l'intérêt de sa mémoire lorsqu'il avait désiré rester en Europe. Il n'aurait bientôt été qu'un prisonnier vulgaire ou flétri, son vieux rôle était terminé. Mais au-delà de ce rôle, une nouvelle position le rajeunit d'une renommée nouvelle. Aucun homme de bruit universel n'a eu une fin pareille à celle de Napoléon. On ne le proclama point, comme à sa première chute, autocrate de quelques carrières de fer et de marbre, les unes pour lui fournir une épée, les autres une statue. Aigle, on lui donna un rocher, à la pointe duquel il est demeuré au soleil jusqu'à sa mort, et d'où il était vu de toute la terre. Au moment où Bonaparte quitte l'Europe, où il abandonne sa vie pour aller chercher les destinées de sa mort, il convient d'examiner cet homme à deux existences, de peindre le faux et le vrai Napoléon. Ils se confondent et forment un tout, du mélange de leur réalité et de leur mensonge. De la réunion de ces remarques, il résulte que Bonaparte était un poète en action, un génie immense dans la guerre, un esprit infatigable, habile et sensé dans l'administration, un législateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagination des peuples et tant d'autorité sur le jugement des hommes positifs. Mais comme politique, ce sera toujours un homme défectueux aux yeux des hommes d'État. Cette observation, échappée à la plupart de ses panégyristes, deviendra, j'en suis convaincu, l'opinion définitive qui restera de lui. Elle expliquera le contraste de ses actions prodigieuses et de leurs misérables résultats. À Sainte-Hélène, il a condamné lui-même avec sévérité sa conduite politique sur deux points, la guerre d'Espagne et la guerre de Russie. Il aurait pu étendre sa confession à d'autres culpes. Ses enthousiastes ne soutiendront peut-être pas qu'en se blâmant, il s'est trompé sur lui-même. Récapitulons. Bonaparte agit contre toute prudence, sans parler de nouveau de ce qu'il y eut d'odieux dans l'action, en tuant le duc d'Enghien. Il attacha un poids à sa vie. Malgré les puérils apologistes, cette mort, ainsi que nous l'avons vu, fut le levain secret des discordes qui éclatèrent dans la suite entre Alexandre et Napoléon, comme entre la Prusse et la France. L'entreprise sur l'Espagne fut complètement abusive. La péninsule était à l'empereur. Il en pouvait tirer le parti le plus avantageux. Au lieu de cela, il en fit une école pour les soldats anglais et le principe de sa propre destruction par le soulèvement d'un peuple. La détention du pape et la réunion des États de l'Église à la France n'étaient que le caprice de la tyrannie par lequel il perdit l'avantage pour passer pour le restaurateur de la religion. Bonaparte ne s'arrêta pas lorsqu'il eut épousé la fille des Césars, ainsi qu'il aurait dû faire. La Russie et l'Angleterre lui criaient merci. Il ne ressuscita pas la Pologne, quand du rétablissement de ce royaume dépendait le salut de l'Europe. Il se précipita sur la Russie malgré les représentations de ses généraux et de ses conseillers. La folie commencée, il dépassa Smolensk. Tout lui disait qu'il ne devait pas aller plus loin à son premier pas, que sa première campagne du Nord était finie, et que la seconde, il le sentait lui-même, le rendrait maître de l'Empire des Tsars. Il ne sut ni computer les jours ni prévoir l'effet des climats que tout le monde à Moscou computait et prévoyait. Voyez en son lieu ce que j'ai dit du blocus continental et de la Confédération du Rhin. Le premier, conception gigantesque, mais acte douteux. La seconde, ouvrage considérable, mais gâté dans l'exécution par l'instinct de camp et l'esprit de fiscalité. Napoléon reçut en don la vieille monarchie française telle que l'avaient faite les siècles, et une succession ininterrompue de grands hommes, telle que l'avait laissée la majesté de Louis XIV et les alliances de Louis XV, telle que l'avait agrandie la République. Il s'assit sur ce magnifique piédestal, étendit les bras, se saisit des peuples et les ramassa autour de lui. Mais il perdit l'Europe avec autant de promptitude qu'il l'avait prise. Il amena deux fois les alliés à Paris, malgré les miracles de son intelligence militaire. Il avait le monde sous ses pieds. Il n'en a tiré qu'une prison pour lui, un exil pour sa famille, la perte de toutes ses conquêtes et d'une portion du vieux sol français. C'est là l'histoire prouvée par les faits et que personne ne saurait nier. D'où naissaient les fautes que je viens d'indiquer, suivies d'un dénouement si prompt et si funeste? Elles naissaient de l'imperfection de Bonaparte en politique. Dans ses alliances, il n'enchaînait les gouvernements que par des concessions de territoire, dont il changeait bientôt les limites, montrant sans cesse l'arrière-pensée de reprendre ce qu'il avait donné, faisant toujours sentir l'oppresseur. Dans ses envahissements, il ne réorganisait rien, l'Italie exceptée. Au lieu de s'arrêter après chaque pas pour relever sous une autre forme derrière lui ce qu'il avait abattu, il ne discontinuait pas son mouvement de progression parmi des ruines. Il allait si vite qu'à peine avait-il le temps de respirer où il passait. S'il eut, par une espèce de traité de Westphalie, réglé et assuré l'existence des États en Allemagne, en Prusse, en Pologne, à sa première marche rétrograde, il se fût adossé à des populations satisfaites et il eût trouvé des abris. Mais son poétique édifice de victoire, manquant de base et n'étant suspendu en l'air que par son génie, tomba quand son génie vint à se retirer. Le Macédonien fondait des empires en courant, Bonaparte, en courant, ne les savait que détruire. Son unique but était d'être personnellement le maître du globe, sans s'embarrasser des moyens de le conserver. On a voulu faire de Bonaparte un être parfait, un type de sentiment, de délicatesse, de morale et de justice, un écrivain comme César et Thucydide, un orateur et un historien comme Démosthène et Tacite. Les discours publics de Napoléon, ses phrases de tente ou de conseil, sont d'autant moins inspirées du souffle prophétique que ce qu'elles annonçaient de catastrophe ne s'est pas accompli, tandis que l'Isaïe du glaive a lui-même disparu. Des paroles niniviennes qui courent après des états sans les joindre et les détruire restent puériles au lieu d'être sublimes. Bonaparte a été véritablement le destin pendant 16 années. Le destin est muet, et Bonaparte aurait dû l'être. Bonaparte n'était point César. Son éducation n'était ni savante ni choisie. Demi-étranger, il ignorait les premières règles de notre langue. Qu'importe après tout que sa parole fût fautive, il donnait le mot d'ordre à l'univers. Ses bulletins ont l'éloquence de la victoire. Quelquefois, dans l'ivresse du succès, on affectait de les brocher sur un tambour. Du milieu des plus lugubres accents partaient de fatales éclats de rire. J'ai lu avec attention ce qu'a écrit Bonaparte, les premiers manuscrits de son enfance, ses romans, ensuite ses brochures à Buttafuoco, le souper de Beaucaire, ses lettres privées à Joséphine, les 5 volumes de ses discours, de ses ordres et de ses bulletins, ses dépêches restées inédites et gâtées par la rédaction des bureaux de M. de Talleyrand. Je m'y connais. Je n'ai guère trouvé que dans un méchant autographe laissé à l'île d'Elbe des pensées qui ressemblent à la nature du grand insulaire. Mon cœur se refuse aux joies communes comme à la douleur ordinaire. Ne m'étant pas donné la vie, je ne me l'ôterai pas non plus tant qu'elle voudra bien de moi. Mon mauvais génie m'apparut et m'annonça ma fin que j'ai trouvée à Leipzig. J'ai conjuré le terrible esprit de nouveauté qui parcourait le monde. C'est là très certainement du vrai Bonaparte. Si les bulletins, les discours, les allocutions, les proclamations de Bonaparte se distinguent par l'énergie, cette énergie ne lui appartenait point en propre. Elle était de son temps, elle venait de l'inspiration révolutionnaire qui s'affaiblit dans Bonaparte, parce qu'il marchait à l'inverse de cette inspiration. Danton disait « Le métal bouillonne, si vous ne surveillez la fournaise, vous serez tous brûlés ». Saint-Just disait « Osez ». Ce mot renferme toute la politique de notre révolution. Ceux qui font des révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau. Les bulletins de Bonaparte s'élèvent-ils au-dessus de cette fierté de parole? Quant aux nombreux volumes publiés sous le titre de « Mémoire de Sainte-Hélène »,« Napoléon dans l'exil », etc., ces documents recueillis de la bouche de Bonaparte ou dictés par lui à différentes personnes ont quelques beaux passages sur des actions de guerre, quelques appréciations remarquables de certains hommes. Mais, en définitive, Napoléon n'est occupé qu'à faire son apologie, qu'à justifier son passé, qu'à bâtir sur des idées nées des événements accomplis, des choses auxquelles il n'avait jamais songé pendant le cours de ces événements. Dans cette compilation où le pour et le contre se succèdent, où chaque opinion trouve une autorité favorable et une réfutation péremptoire, il est difficile de démêler ce qui appartient à Napoléon de ce qui appartient à sa secrétaire. Il est probable qu'il avait une version différente pour chacun d'eux, afin que les lecteurs choisissent selon leur goût et se créassent dans l'avenir des Napoléons à leur guise. Il dictait son histoire telle qu'il la voulait laisser. C'était un auteur faisant des articles sur son propre ouvrage. Rien donc de plus absurde que de s'extasier sur des répertoires de toutes mains qui ne sont pas, comme les commentaires de César, un ouvrage court, sorti d'une grande tête, rédigé par un écrivain supérieur. Et pourtant ces brefs commentaires, Asinius Pollion le pensait, n'étaient ni exacts ni fidèles. Le mémorial de Sainte-Hélène est bon, toute part faite à la candeur et la simplicité de l'admiration. Une des choses qui a le plus contribué à rendre de son vivant Napoléon haïssable était son penchant à tout ravaler. Dans une ville embrasée, il accouplait des décrets sur le rétablissement de quelques comédiens à des arrêts qui supprimaient des monarques, parodie de l'omnipotence de Dieu qui règle le sort du monde et d'une fourmi. À la chute des empires, il mêlait des insultes à des femmes. il se complaisait dans l'humiliation de ce qu'il avait abattu. Il calomniait et blessait particulièrement ceux qui avaient osé lui résister. Son arrogance égalait son bonheur. Il croyait paraître d'autant plus grand qu'il abaissait les autres. Jaloux de ses généraux, il les accusait de ses propres fautes, car pour lui, il ne pouvait jamais avoir failli. Contempteur de tous les mérites, il leur reprochait durement leurs erreurs. Après le désastre de Ramilly, il n'aurait jamais dit comme Louis XIV au maréchal de Villeroy, « Monsieur le maréchal, à notre âge, on n'est pas heureux. » Touchante magnanimité qu'ignorait Napoléon. Le siècle de Louis XIV a été fait par Louis le Grand. Bonaparte a fait son siècle. L'histoire de l'empereur, changée par de fausses traditions, sera faussée encore par l'état de la société à l'époque impériale. Toute révolution écrite en présence de la liberté de la presse peut laisser arriver l'œil au fond des faits, parce que chacun les rapporte comme il les a vus. Le règne de Cromwell est connu, car on disait au protecteur ce qu'on pensait de ses actes et de sa personne. En France, même sous la République, malgré l'inexorable censure du bourreau, la vérité perçait. La faction triomphante n'était pas toujours la même. Elle succombait vite, et la faction qui lui succédait vous apprenait ce que vous avez caché sa devancière. Il y avait liberté d'un échafaud à l'autre entre deux têtes abattues. Mais lorsque Bonaparte saisit le pouvoir, que la pensée fut bâillonnée, qu'on n'entendit plus que la voix d'un despotisme qui ne parlait que pour se louer et ne permettait pas de parler d'autre chose que de lui, la vérité disparut. Les pièces soi-disant authentiques de ce temps sont corrompues. Rien ne se publiait, livres et journaux, que par l'ordre du maître. Bonaparte veillait aux articles du Moniteur. Ses préfets renvoyaient des divers départements les récitations, les congratulations, les félicitations, telles que les autorités de Paris les avaient dictées et transmises, telles qu'elles exprimaient une opinion publique convenue, entièrement différente de l'opinion réelle. Écrivez l'histoire d'après de pareils documents. En preuve de vos impartiales études, cotez les authentiques où vous avez puisé. Vous ne citerez qu'un mensonge à l'appui d'un mensonge. Si l'on pouvait révoquer en doute cette imposture universelle, si des hommes qui n'ont point vu les jours de l'Empire s'obstinaient à tenir pour sincère ce qu'ils rencontrent dans les documents imprimés, ou même ce qu'ils pourraient déterrer dans certains cartons des ministères, il suffirait d'en appeler à un témoignage irrécusable au Sénat conservateur. Là, dans le décret que j'ai cité plus haut, vous avez vu ses propres paroles. Considérant que la liberté de la presse a été constamment soumise à la censure arbitraire de sa police, et qu'en même temps, il s'est toujours servi de la presse pour remplir la France et l'Europe de faits controuvés, de maximes fausses, que des actes et rapports entendus par le Sénat ont subi des altérations dans la publication qui en a été faite, etc. Y a-t-il quelque chose à répondre à cette déclaration ? La vie de Bonaparte était une vérité incontestable que l'imposture s'était chargée d'écrire. Un orgueil monstrueux et une affectation incessante gâtent le caractère de Napoléon. Au temps de sa domination, qu'avait-il besoin d'exagérer sa stature lorsque le dieu des armées lui avait fourni ce char dont les roues sont vivantes ? Il tenait du sang italien. Sa nature était complexe. Les grands hommes, très petite famille sur la terre, ne trouvent malheureusement qu'eux-mêmes pour s'imiter. À la fois modèle et copie, personnage réel et acteur représentant ce personnage, Napoléon était son propre mime. Il ne se serait pas cru un héros s'il ne se fût affublé du costume d'un héros. Cette étrange faiblesse donne à ces étonnantes réalités quelque chose de faux et d'équivoque. On craint de prendre le roi des rois pour Roscius, ou Roscius pour le roi des rois. Les qualités de Napoléon sont si adultérées dans les gazettes, les brochures, les vers, et jusque dans les chansons envahies de l'impérialisme, que ces qualités sont complètement méconnaissables. Tout ce qu'on prête de touchant à Bonaparte dans les Annas, sur les prisonniers, les morts, les soldats, sont des billevesées que démentent les actions de sa vie. La grand-mère de mon illustre ami Béranger n'est qu'un admirable pont-neuf. Bonaparte n'avait rien du bonhomme. Domination personnifiée, il était sec. Cette frigidité faisait antidote à son imagination ardente. Il ne trouvait point en lui de parole. Il n'y trouvait qu'un fait, et un fait prêt à s'irriter de la plus petite indépendance. Un moucheron qui volait sans son ordre était à ses yeux un insecte révolté. Ce n'était pas tout que de mentir aux oreilles, il fallait mentir aux yeux. Ici, dans une gravure, c'est Bonaparte qui se découvre devant les blessés autrichiens. Là, c'est un petit tourlourou qui empêche l'empereur de passer. Plus loin, Napoléon touche les pestiférés de Jaffa, et il ne les a jamais touchés. Il traverse le Saint-Bernard sur un cheval fougueux, dans des tourbillons de neige. Il faisait le plus beau temps du monde. Ne veut-on pas transformer l'empereur aujourd'hui en un Romain des premiers jours du Mont Aventin, en un missionnaire de liberté, en un citoyen qui n'instituait l'esclavage que par amour de la vertu contraire? Jugez à deux traits du grand fondateur de l'égalité. Il ordonna de casser le mariage de son frère Jérôme avec Mademoiselle Patterson, parce que le frère de Napoléon ne se pouvait allier qu'au sang des princes. Plus tard, revenu de l'île d'Elbe, il revêt la nouvelle constitution démocratique d'une pairie et la couronne de l'acte additionnel. Fin de la section 20.